Au début, c'était un timide, lascif rituel. Et c'est devenu captif de façon régulière. Il faut être disposé, rapide dans ce duel. L'illusion d'être libre, coupable et victime sincère. À l'agonie, les plaisirs éphémères. Renégocier ses envies singulières. Les décisions prises sans retour arrière. Le sort toujours là, les pulsions obsèdent. Obsède. Un signal est entendu. Le charme est alors rompu. Un signal est entendu. Le charme est alors rompu. Au signal, le soleil unit à la beauté du ciel. Au signal est établi l'amour universel. Au signal est donc exclu l'hostilité. Amère. Le charme s'en va. Des futurs purement possibles enfouissent l'hiver. Le charme s'en va. Au signal, le soleil uni à la beauté du ciel. Au signal est établi l'amour universel. Au signal est donc exclu l'hostilité amère. Des futurs purement possibles enfouis se libèrent. Oh.